T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette année 2016. Bah oui, il faut s'habituer à dire 2016. Je vous la souhaite excellente et toute l'équipe de Planète Indie se joint à moi d'ailleurs pour cela. Et donc en 2016, nous serons d'ailleurs encore et toujours là pour vous faire découvrir de nouvelles musiques, le meilleur de la musique indépendante, de la musique alternative. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 368 de Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Voilà, vous êtes peut-être chez vous, vous êtes peut-être dans les magasins, puisqu'après le marathon des fêtes de fin d'année, c'est le marathon des soldes qui a commencé. Donc, si vous êtes en train de refaire votre garde-robe, de patienter à la caisse pour avoir votre tour, prenez votre mal en patience et profitez de la musique. La musique, eh bien, on commence avec un petit voyage du côté de l'Italie, avec le nouveau single du groupe des Psychopathic Romantics. Nouveau single qui s'appelle I'll See You There. C'est extrait d'un... C'est à la fois un... C'est entre l'album et le EP, il y a 7 morceaux dessus. On va donc les écouter pour commencer cet épisode numéro 368. Et puis après, ce sera une autre nouveauté en la personne de Cathy Gillen, accompagnée de ses girls, Cathy Gillen and the Girls. Avec The Race, bah oui, on parlait de la course au solde, on est en plein dedans. Bon début de soirée, restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Maybe I shouldn't have went so far. Maybe I shouldn't have broke the law. You can find me if you want to. Maybe you should look away. Maybe you should remember a day. Maybe you should remember when you were just a shithead. And I see you there. Yeah, I see you must have thought that I was just a little thing, stepping stool for your ranks. You miscalculated everything. Maybe you should do more math. Maybe you should learn to laugh. Maybe you should take a bath. Now you can find me if you want to. I'll see you there. Yeah, I'll see you there. Time on this place. No, don't waste your time on this place. Maybe I should know.

She's running back to her other man. Jusqu'à la note finale, c'était le blues de Billy Hector avec le morceau Heavil Slick and Slide. C'est extrait d'un très bon album qui s'intitule Old School Thang. Un potentiel powerplay à voir pour les semaines et les mois qui suivent, tout comme l'album de Cathy Gillen and the Girls. Et à propos de powerplay, eh bien, celui d'aujourd'hui va nous emmener du côté de la Californie, mais cela c'est pour dans quelques minutes. Pour l'heure, eh bien, nous allons partir écouter le nouveau morceau de Selena Martin. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de Selena Martin, parce qu'on avait entamé notre émission du mois de novembre avec son morceau My Heart Ticks On. Et puis, quand elle a vu la playlist sur le site internet et qu'elle a vu qu'elle avait été diffusée, elle m'a envoyé un petit message en disant: oh, Pierre, merci beaucoup, c'est très sympa d'avoir passé ce morceau-là, surtout que ce morceau est un peu particulier pour moi. Et il fait référence à une histoire d'amour secrète que j'ai en Belgique. Bah alors voilà, comme ça vous savez tout. Et son histoire d'amour, elle n'est plus si secrète que ça. On l'écoute, Selena Martin, avec le morceau 10 Wish List. C'est son tout nouveau single. Et puis après cela, ce sera le groupe Glimmer Assassins avec Ain't So Young. Sun, earn Voilà, j'espère que vous appréciez le début de la programmation de Planète Indie pour cette nouvelle année. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 368 de Planète Indie. Nous nous retrouvons chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante, de la musique alternative. À l'instant, c'était les Glamour Assassins avec Ain't So Young. Avant cela, eh bien, Selena Martin nous faisait sa liste des 10 choses qu'elle voudrait, 10 wish list, et puis si on veut être complet. On a commencé l'émission avec les Psychopathic Romantics, un groupe rock-pop italien avec I'll See You There, extrait de leur album, dernier album en date, Bread and Circuses, et puis Cathy Gillen and the Girls, The Race, et alors Billy Hector, Hevel, Slick and Slide. Voilà, on était tout à fait complet, même plus qu'il ne faut. 17h22, eh bien, il est grand temps de partir à la découverte de notre album Powerplay qui nous emmène aujourd'hui du côté de la Californie, là où il fait toujours beau, enfin presque toujours beau. L'album en question est celui des frères Pinder, les Pinder Brothers, un album qui s'intitule Melancholic Sea, c'est leur troisième album. On dit souvent eh bien, que les Pinder Brothers ont un style de pop britannique 60s, c'est normal, ils écrivent des chansons, des compositions mélancoliques pop accompagnées de guitare qui pulse pour eh bien, ajouter une touche rock. Ils ont ça dans leur ADN. Je vous le disais donc, ils ont été élevés en Californie du Nord. Ils s'appellent Matt et Michael Pinder et ils ont toujours été baignés dans un univers musical. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Ils eh bien, sont maintenant des talentueux chanteurs et compositeurs et multi-instrumentalistes parce qu'avant, eh bien, au départ, Matt eh bien, jouait de la basse et Michael de la guitare. Et puis, ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à jouer, à répéter à la cave, chez eux. Bah oui, c'est un peu l'image traditionnelle qu'on a hein, au milieu des collections poussiéreuses d'albums de musique. On verra un peu plus, plus en détail tout à l'heure ce qu'il en est avec cette histoire d'entourage musical. Vous allez comprendre quand je vous en parlerai. On va donc en écouter un premier extrait. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Talk to You. Je vous rappelle donc qu'il s'agit de l'album des Pinder Brothers, un album intitulé Melancholic Sea, c'est notre powerplay. Ce soir, dans Planète Indie, on en écoutera trois extraits d'ici 18h30. Powerplay. Powerplay. Friend. enough to show you had a secret glow. The lights were low and yesterday I saw, knew not which way to stay or go. I'd break the status quo and lose control with you. All I want to do is talk to you. Still I'm crying over again. Still I'm dying over again in the end. Now Monday's here for sure. It makes me think about you more. Let's just slip out the door. We'd be gone before they knew. Sometimes I feel like I'm swimming in your blue eyes, and I can swim right through the blue. Voilà, c'était les Pinder Brothers, le morceau Talk to You, extrait de Melancholic Sea. C'est notre album Powerplay ce soir dans Planet Indie. On poursuit avec Robert Buczynski. Si vous nous êtes fidèles, vous commencez à le connaître. Il faisait partie du groupe Rigel. Il est bien sort un nouvel album sous son nom propre, un album qui s'intitule Life in a Cold Frame. Et on en écoute un morceau qui s'intitule The Year That Never Ends. Bah oui, pour une première émission de janvier, parler d'une année qui ne finit pas, c'est déjà pas trop mal. Allez, on l'écoute, Robert Buczynski, The Year That Never Ends. Hi, I'm Robert Buczynski from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Oh, say can you see by the earliest light, awaken to the sound of the survivor's plight. The experiment will be the ultimate test, a test of strength and halls of the oppressed. When you passed through the gates, you instantly fell captive. You swore just 1 year would be all you would give. But that year turned into something more, as your pride prevents you from seeking the door. You've had enough, but you're hanging tough in the year that never ends. You'll blame yourself, you'll find no help. It's the year that never ends. So much, yet you stand there accused.

un peu de fraîcheur qui nous est apporté, un peu de fraîcheur naturelle qui nous est apporté avec B.O.B. Jones, un très bel instrumental qui s'intitule Tough Times Soon Will Pass. Eh bien, c'est dédié à tous ceux qui ont des morceaux un peu plus durs en ce moment. Eh bien, dites-vous que ça passera. Il faut juste attendre son heure. Avant cela, c'était un morceau très court du groupe Rust, une nouveauté avec Mr. Bartholomew. D'ici quelques minutes, eh bien, retour sur l'album des Pinder Brothers, l'album Melancholy Sea, c'est notre powerplay. Avant cela, on va encore écouter une autre nouveauté, Ridley Wolf, et le morceau Only You. I know that the world has been cruel. jusqu'à la dernière note. Le groupe s'appelle Ridley Wolf. C'était le morceau qui, quant à lui, s'intitule Only You. Retour sur notre album Powerplay, si vous le voulez bien. L'album du duo des Pinder Brothers. Le duo composé de deux frères, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, Michael Pinder et Matt Pinder. Et ils sont les fils de Mike Pinder. Alors peut-être c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un univers familial fort orienté musique. Ça a peut-être fait tilt chez certains d'entre vous, peut-être chez les plus vieux d'entre vous. Puisque Mike Pinder, c'est un artiste anglais qui est un des membres fondateurs du groupe Moody Blues. Alors Moody Blues, on connaît notamment le morceau Night in White Satin, c'est leur morceau, et bien entendu, le plus connu. On l'écoute là en fond. Et alors Mike Pinder, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour vous parler de Moody Blues. Voilà. Donc, retournons à notre histoire des Pinder Brothers, si vous le voulez bien. L'ami Mike Pinder a fait un premier mariage avec une charmante personne, enfin j'imagine qu'elle était charmante, je la connais pas personnellement, mais enfin bon, qui s'appelait Donna et avec qui il a eu un fils qui s'appelle Daniel. Ce mariage a terminé en divorce, mais bon, le Daniel en question, c'est déjà pas n'importe qui, il travaille aussi dans le monde de la musique comme... dans le monde de la musique et des musiques de films. Voilà, j'en perdais un peu les mots. À son crédit, on peut mettre la musique de Pirates des Caraïbes ou encore du Da Vinci Code. Donc vous voyez, c'est pas des films de série B ou série Z. Hein. Il s'est donc séparé de Donna et il s'est remarié avec une américaine qui s'appelle Tara Lee. Et de Tara, il a eu donc ses deux fils, Matt et Michael. Donc on en vient donc à nos Pinder Brothers. Et puis il joue de temps en temps avec eux, et notamment sur cet album... l'album Mélancolique, si on le retrouve sur le morceau Summer Moon notamment. Donc voilà, c'était ça la petite histoire familiale des Pinder Brothers et de leur environnement musical. Donc ils ont été à bonne école. Je vous propose, moi, de revenir dans le présent avec donc leur nouvel album. On va écouter le morceau qui s'intitule Pictures of Rachel. C'est notre powerplay, c'est les Pinder Brothers. Et c'est Planète Indie, l'épisode numéro 368. Nous sommes le samedi 3 janvier et j'en profite pour vous signaler que nous serons aussi rediffusés demain dimanche sur cette même fréquence et aux mêmes heures. Donc demain 4 janvier, 17h, 18h30. Powerplay. Powerplay. Something in your eyes just soothes my mind. Your world's so very young, and I would never act unkind if I could be the lucky one. Holding pictures of Rachel in the morning sun. Holding this ex-fashion major when the morning comes. I don't know the answer to our lives, the question's just begun. I can't pretend to be that wise when philosophy is done. Holding pictures of Rachel in the morning sun. This ex-fashion major, when the morning comes to stay, send your smile my way. When philosophy is done, will I be the lucky one? Holding pictures of Rachel in the morning sun. This ex-fashion major, when philosophy is done, will I be the lucky one? Holding pictures of Rachel in the morning sun. Holding this ex-fashion major, when philosophy is done, will I be the lucky one? be the lucky one. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Imagine Dragons, and we hope you enjoy this new track. Hi, this is Sasha Pavernick, and you are listening to Planet Indie. Thank you. très instrumental aujourd'hui, c'est pour commencer l'année en douceur à l'instant. C'était le groupe Honey Barbara et le morceau Late in the Day. On continue notre voyage géographique, je vous propose de nous rendre maintenant du côté de l'Ukraine pour retrouver l'artiste électro DSMGN, You'll Never Know My Name, et puis après on écoutera Matt Oleska et Country After the Flood. You'll never know my name, and my pictures will not hang on your wall. All the stupid dreams will burn with my skin when the fire flows through my veins. Inside and whoa, whoa, whoa. Oscars out back in a tin trash can. She's a feeling for bugs with her good hand. She says, escargot, it tastes like lead. I said, no, it don't. It's in your head and her hair. President elect to the junkyard union, choked on the fifth prior to communion, died on James who spilled on Ted, who punched James who spat on Edson. Positive actuarial event with a vent. Oh, now I caught you. Sip white cup on the balcony. Twice in the meadows and on a mystery. I'll forgive you if you waltz with me. Get back inside and the distance beyond the track. spit you out, leave you to die. Voilà, à l'instant, c'était Six. Je vais m'en sortir. On recommence tout. À l'instant, c'était Six String Loaded qui nous emmenait du côté de Memphis, puisque c'est ainsi que s'appelle ce morceau. Et puis avant cela, un morceau, on va dire, qui s'est terriblement d'actualité pour les Écossais. Matt Oleska Country, sous-titré After the Flood, c'est-à-dire le pays ou la campagne après les inondations. Voilà. Quand je vous disais que c'était d'actualité, retour sur notre album Powerplay, il est 18h07 et 27 secondes, donc il est grand temps d'y retourner pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'album Melancholy Sea du groupe les Pinder Brothers. Que vous dire de plus, qu'on les compare souvent à Crosby, Stills, Nash et puis aussi à Simon & Garfunkel. Si vous voulez aussi vous faire une autre opinion, eh bien, on vous a mis sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo du morceau Pale December. C'est un morceau qui a été écrit et influencé par la fameuse prophétie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait que eh bien, le 21 décembre, je crois que c'était en 2012 ou 2011, non 2012, il y a une prophétie d'une secte qui disait que le monde allait disparaître et ils sont tous retrouvés quelque part dans un petit village dans le sud de la France. Et puis finalement, nous voici en 2016 et le monde est toujours là. Et donc, c'est un peu le morceau phare de leur album Pale December. La vidéo est disponible sur notre page Facebook. Et puis, si vous voulez aussi vous en rendre compte plus en détail, l'album est en écoute libre sur leur site internet. Je vous en donne tout de suite l'adresse, c'est www.pinderbros.com. Ça s'écrit pinderbros.com. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous propose non pas d'écouter Pale December puisque vous avez la vidéo disponible, mais le morceau intitulé Crash Down. C'est le troisième extrait pour ce soir, c'est notre power play, c'est les Pinder Brothers. Allez, je ne le dis plus et on lance la musique. Power play. Power play. Is fast, faster than foolish. When you get caught in the past, move quickly in the blink of an eye. You can be in the future, you can even rise up to the sky. Comes round again. Think quickly, move slow. Like a drop in the ocean, just where do I go? Suspended in time, I'm the wave of the future. I can't even rise up to the sky. Crash down when it all comes round again. Falling faster than a shooting star, an exploding candle in the dark. I can catch her, I've gone back too far, and it's breaking me apart. Crash down when it all comes round again. Crash down when it all comes round again. I can't catch her, I've come back too far, and it's breaking me up. An exploding candle in the dark. I can't catch her, I've come back too far, and it's breaking me apart. Will she? crash down when it all comes round again. Crash down when it all comes round again. Elle est angoissée, elle s'appelle Miletia et elle nous interprétait donc le morceau Anxious. Avant de poursuivre la programmation musicale en roue libre pour ce soir, un coup d'œil si vous le voulez bien à la programmation de la Rocale. Ça a été un peu calme en ces périodes de fin d'année, bah oui c'est un peu normal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vous proposer? Ça va vraiment reprendre à partir de la mi-janvier seulement. Le 14 janvier, vous pourrez aller voir Imagine Dragons. Le 15, ce sera Filthy Brooks, Broke Billionaires. Ensuite, on passe tout de suite à la semaine très chargée du 23 janvier, puisque vous aurez l'occasion de voir le fameux spectacle Spectacular Night of Queen. C'est donc sur la vie de Freddie Mercury et du groupe Queen, bien entendu. Le 27 janvier, Andreas Bourani. Alors, si vous n'avez pas encore vos billets, c'est pas la peine de chercher. Il y en a plus, c'est complet. Le 28 janvier, Stephanie Heinzmann se produira. Le 29, Method Man and Redman. Le 31 janvier, si vous voulez prolonger la féerie de Noël, vous pourrez assister au ballet Casse-Noisette. Ensuite, on passe à début février. Le 4 février, Lilywood and the Prick. Ensuite, le 5, Paul Kalkbrenner. Le 6 février, ce sera une journée chargée. puisqu'il y a deux concerts. Il y a Tony Carrera dans la grande salle et Stéphane Escher au club. Enfin, c'est pas si cher que ça, puisque c'est que 31 euros. Ouais, je sais, elle était facile. Et enfin, on termine avec Richie Campbell. Ce sera le 7 février. Pour la suite, eh bien, rendez-vous au cours de notre prochaine émission, qui se tiendra donc, quant à elle, le 6 février sur cette même fréquence. Ce sera l'épisode numéro 368. Comme ça, vous savez tout. On poursuit, nous, donc, cette programmation musicale avec un morceau enregistré en public, extrait du nouvel album, ça tombe bien, Live in Europe de Malenie Decker. Le morceau s'appelle Haven't Kissed You Yet. C'est un morceau qui a été enregistré aux Pays-Bas. Voilà, Malenie Decker, Haven't Kissed You Yet. 2, 3, 4. Through the blur of the bright lights, I can't see you. You paid to hear some sassy songs of mine. A thousand nights sing about love and life. Never have I witnessed love at first sight. I haven't even kissed you yet. I'm holding my breath. I haven't even kissed you yet. The thought of us alone saying goodbye, hello, it's making me sweat. Swelling tears in the audience eyes. I can't even hear me singing it on the outside. Cause now I am dancing with you and low tide. You touch my neck, you whisper, I love that you're mine. I haven't even kissed you yet. All of my breath, I haven't even kissed you yet. The thought of us alone saying goodbye, hello, it's making me sweat. Sunset, Moulin Rouge. We go cruising through Egypt like we were meant to. And I dream of us laughing about all the silly things we do. Like a fairy tale, you rescue me, I rescue you. I haven't even kissed you yet. I haven't even kissed you yet. The thought of us alone saying goodbye, hello. You're so out of range, I'm dying for this to change. Although we never really met, I have given you a name. I'm calling you sugar, sweetie, honey, darling, oh baby. It's all the same. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. You're on your way now, about to be there for a while. There's always something that postpones in your arrival. I'm tired of waiting, I'll have my feelings on standby. Gotta get life moving, run out and touch the sky. You say that you need me, but you never feed me with feelings that make me alive. It's all just a matter of time before I spit it out and I tell you goodbye. Thought I came home now, but I ended up in your cage. I will break free now, transforming sadness into rage. You say that you need me, but you never feed me with feelings that make me alive. It's all just a matter of time before I spit it out and I tell you goodbye. You say that you need me, but you never feed me with feelings that make me alive. It's all just a matter of time before I spit it out and I tell you goodbye. You say that you need me, but you never feed me with feelings that make me alive. It's all just a matter of time before I spit it out and I tell you goodbye. And I tell you goodbye. And I tell you goodbye. And I tell you goodbye. C'est un morceau prémonitoire, hein, puisqu'il s'intitule Goodbye. Bah oui, il est pratiquement l'heure de se dire au revoir. C'était le groupe Lazy Afternoon. J'ai donc été très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de cette première émission de l'année 2016. Nous sommes ensemble donc chaque premier samedi du mois, comme depuis toujours. Rendez-vous donc pour la prochaine émission le 6 février sur cette même fréquence. Si vous avez raté l'émission d'aujourd'hui ou voulez la réécouter, eh bien nous sommes rediffusés demain, dimanche 3 janvier, entre 17h et 18h30, donc aux mêmes heures qu'aujourd'hui. Et puis le podcast, l'enregistrement de l'émission de ce soir sera disponible sur notre site internet dans les minutes qui suivent. Vous nous cherchez via Google et puis il n'y a pas de souci, vous arriverez sans problème. Je vous souhaite donc à nouveau une bonne année. Je vous réitère mes vœux pour que cette année soit heureuse, joyeuse, beaucoup de santé et beaucoup de musique. En tout cas, il y aura de la musique si vous nous restez fidèles chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. On se quitte avec un dernier morceau tout en douceur, Wendy Webb, Western Channel of the Sky. Et j'espère vous retrouver tous en forme le 6 février. À bientôt, bonne soirée. Your sail like a single wing, wind surfing in the sun, I watched you do your thing. And through the night, the wind did wind a course to rearrange the channels of your mind. Stay with me, or let me go back to that northern town, the ice and driven snow. Challenge of this sacred life, balance me inside, make it right, make it right with a woman's will tonight. Forget your love or let it slip away. Say the silly girl, make her a woman. Say the silly boy and make him a man. Say the silly love from getting much colder. May the challenge of this sacred life balance me inside, make it right, make it right with a woman's will tonight. Say the silly girl, make her a woman. Oh, make it right.